durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons le métier d'architecte, la rénovation énergétique, le choix des matériaux. Nous sommes à Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, avec l'architecte fondateur de l'atelier 22, agence d'architecture écologique et responsable. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Laurent Marcignac, bonjour. Bonjour. Laurent Marcignac, vous vous présentez comme un architecte écologique et responsable. Ça veut dire quoi ? Écologique et responsable, ça veut dire que conformément à la loi de 77 de l'architecture, on prend en compte l'environnement qui nous entoure. On ne fait plus n'importe quoi maintenant. Ça veut dire qu'il y a des architectes qui font n'importe quoi ? L'architecte a la particularité de souvent imprimer sa patte. Et je pense qu'il y a ce retour à l'environnement, à ce qui entoure en fait le bâtiment et qui est indispensable. Alors, vous avez aussi la particularité d'avoir votre agence ici à Pont-à-Mousson dans votre maison, à moins que ce soit la maison qui soit dans l'agence. On ira bien sûr visiter concrètement cette réalisation, puisque vous êtes aussi encore en travaux. Ça sera l'occasion bien sûr de voir si et comment vous mettez en œuvre toutes ces préconisations écologiques et responsables, je le disais. Ça passe par quoi ? Je le disais en introduction aussi, ça passe par le choix des matériaux, par la réflexion sur les techniques de chauffage. J'imagine qu'il y a tout un ensemble de paramètres qui font qu'on arrive à une architecture écologique et responsable. Oui, ça passe par... La première question à se poser, c'est l'implantation, les orientations, le soleil, la lumière, la chaleur. Tout ça, c'est la première démarche de l'architecte. C'est comment orienter son bâtiment. Alors là, on a une particularité, c'est qu'on est dans un bâtiment déjà existant, et c'est là où l'architecture doit aller maintenant, c'est dans la rénovation. Et la rénovation, c'est de dire non seulement on peut réinvestir des bâtiments anciens, mais on peut les réadapter au goût du jour. Là, l'exemple de la maison est parlante, puisqu'on avait une maison avec très peu d'ouverture, qui était encore heureux, bien orientée, c'est-à-dire que j'ai une façade nord et une façade plein sud. La façade nord. On est Laurent Marcignac, au cœur de Pont-à-Mousson. Oui, tout à fait. On est tout à fait au cœur de Pont-à-Mousson. C'est une maison de ville. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai un voisin, de l'autre côté, j'ai un autre voisin. J'ai des murs mitoyens. Et j'ai la chance d'avoir un terrain derrière. Et donc, cette orientation et cette maison, et la démarche qui en découle de la réinvestir et de la rénover, est une démarche écologique. Quand on pense maison écologique, en tout cas moi, la première des choses qui me vient à l'esprit, c'est les matériaux que je vais utiliser ou ne pas utiliser. Je pense par exemple au placoplâtre, ça c'est une marque, mais tout le monde connaît. Je pense à la laine de verre. En quoi ça pose un problème à un architecte comme vous d'utiliser de tels matériaux, Laurent Marcignac ? Alors, c'est une question très intéressante. Dans ma maison, c'était les débuts, hein, on apprend en faisant. J'ai utilisé justement du placo et de la laine de verre. Alors la laine de verre, il faut une bonne mise en œuvre. Mais dans le bâtiment ancien, il est peut-être maintenant intéressant, et après quelques années à apprendre, d'utiliser des matériaux biosourcés. Et c'est une des directions que je souhaite adopter maintenant. Alors biosourcés, il faut nous expliquer ce que ça veut dire, Laurent Marcignac. Les matériaux biosourcés, c'est qu'ils sont liés à la nature, quoi, en fait. Par exemple, quand vous utilisez de la laine de bois, c'est un matériau biosourcé. Quand vous utilisez de la paille, et j'encourage beaucoup les gens que je rencontre et les clients à utiliser de la paille, c'est un matériau biosourcé. C'est un matériau local, donc il y a peu d'énergie grise pour le déplacement. Il y a du stockage. L'énergie grise, c'est l'énergie qui a servi à fabriquer le matériau. Tout à fait, et le déplacer. Il y a le stockage en lui-même, c'est-à-dire que quand vous utilisez de la paille, vous allez stocker également du carbone. Quand vous utilisez du bois, qui est également un matériau biosourcé, vous allez stocker du carbone. Et ça, c'est un des points les plus importants dans la bataille pour le climat. L'architecture, c'est ce point de levier, ce point d'entrée pour gagner la bataille contre le climat. Le bois, la paille, ajouter de la terre, ça fait du torchis. Tout à fait. Ce sont des matériaux que nos anciens connaissaient depuis très longtemps. C'est ça. De quand date cette rupture? Et surtout, on peut ressentir aujourd'hui sans doute, et vous le rencontrez peut-être dans votre métier au quotidien, Laurent Marcignac, un certain mépris pour ces matériaux-là. Je fais référence par exemple ici à l'histoire des trois petits cochons. Mmh. On a fini par placer le béton, le ciment sur un piédestal, au-delà, point de salut. De quand date cette rupture et de quand date cette prise de conscience? Alors, la rupture... Historiquement, vous avez des constructions antérieures à la Deuxième Guerre mondiale qui sont des constructions encore traditionnelles. Après la Seconde Guerre mondiale, vous avez tout avec le développement démographique, il y a une industrialisation de la construction qui se fait et le béton participe à cette industrialisation. Donc quand vous avez les grands ensembles qui se créent, tous ces processus industriels sont mis en œuvre. On les retrouve également aujourd'hui. Vous avez l'exemple de Saint-Gobain qui produit tous les matériaux de la maison et tout est industriel maintenant, la maison et du Lego. Et nous, ce qu'on cherche à faire avec les architectes, les bons architectes comme vous, qui essayent de faire des maisons durables, c'est de retrouver la façon de construire, la bonne façon de construire. Et alors, ce renouveau très récent et cet intérêt que l'on commence à avoir aujourd'hui pour cette approche écologique et responsable dans l'architecture, Laurent Marcignac, elle date de quand et pourquoi? Donc au début, c'est à partir des années 70, on a ce renouveau, cet réintérêt pour l'architecture écologique et qui va prendre de plus en plus d'ampleur à partir des années 90-2000. Et les grands penseurs, ou en tout cas les grands faiseurs de cette diffusion d'idées, chez nous, architectes, par exemple, il y a Dominique Gouzin-Buller qui a fait une conférence il y a peu de temps à Metz. Et ce sont des gens à suivre et qui sont précurseurs au niveau de l'architecture écologique. Alors, il y a d'autres noms, il y a Jourda et Perrotin, enfin il y a plein de gens. Qui commencent à s'intéresser à tout ça. Après, ça va sans doute aussi mettre du temps à diffuser au sein de la population qui reste peut-être accrochée à ce mythe. Mmh. Et puis, il y a aussi la question à la fois des artisans quant au... Tout à fait. À la capacité de la mise en œuvre. J'ai personnellement été moi-même confronté à cette question. Poser du placo et de la laine de verre, tout le monde sait faire. Travailler la chaux et la paille, d'abord on rigole et puis après on ne sait pas faire. Mmh. Donc c'est la question des artisans. Et la deuxième question, c'est évidemment le prix. Eh ben, c'est une question très intéressante. Au niveau des artisans, il y en a de plus en plus qui sont formés. Là, j'ai eu par l'intermédiaire d'une amie plusieurs noms d'artisans qui sont justement dédiés à faire de la reconstruction écologique. Je vais rencontrer un notamment lundi prochain. Je vais lui proposer un projet en paille pour voir comment il peut réagir. Et les artisans, ça va se former. Il y a des gens qui sont volontaires, qui ont envie, qui savent que c'est la bonne direction. À mon avis, c'est la bonne direction à avoir, vu le travail qui nous attend pour sauver le monde, on va dire. Par rapport au coût, il y a la durabilité du matériau qui est important à prendre. Quoi. La durabilité de la construction. Par exemple, vous avez la maison, la plus vieille maison en paille, elle a plus de 120 ans. Elle est construite, elle est toujours en place, elle a été faite, je vous retrouverai le nom un jour, c'est la maison Fleurette, et toujours en place. Donc vous avez des maisons qui sont écologiquement responsables, qui sont faites à des matériaux naturels, qui vont durer plus longtemps que des maisons aujourd'hui de constructeurs de maisons individuelles, qui sont faites avec des parpaings qui vont se déliter et compagnie. Regardez, c'est ce qui est intéressant, c'est de revoir les désordres structurels qui sont dans la construction. La plupart viennent de ces maisons industrielles qui sont construites vite fait, bien fait, comme du Lego, et par des gens qui sont souvent sous-payés. C'est un choix à faire. Soit vous investissez dans le temps, soit vous consommez des maisons comme vous consommez des Kleenex. C'est jetable. Finalement, il y a un lien. J'y pensais pas forcément, Laurent Marcignac, en vous rencontrant au début, mais vous faites un lien... direct aussi avec finalement notre société de consommation. On pourrait faire un parallèle avec l'alimentation, la manière dont on se nourrit. Mais c'est exactement ça. C'est plus on fera attention, plus on sera responsable, plus longtemps ça sera durable. Vous êtes un ovni, Laurent Marcignac, dans votre métier d'architecte aujourd'hui? Non, je crois pas. Je pense qu'on est plusieurs. Je fais partie d'une association. Les architectes d'aujourd'hui, et on tire vers cette façon de faire, qui est une façon de faire responsable de l'architecture. Durablement vôtre, Eric Mutchler. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera ta mala guitare. File à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. Nous sommes toujours à Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, avec Éché Laurent Marcignac, architecte, fondateur de l'agence L'Atelier 22. Laurent Marcignac, l'agence et votre maison d'habitation, du reste, c'est à l'origine la maison de vos grands-parents. Tout à fait, j'ai récupéré la maison il y a quelques années. Mes grands-parents l'avaient acquise en 1963. C'était des Polonais, des gens originaires de l'Est qui sont venus travailler en France. Et ils ont acheté la maison, ils ont investi la maison, ils ont fait quelques transformations. Et dès ma rentrée, je l'ai adapté à mes standards. Puisque... Alors, on est là devant des panneaux que vous avez réalisés à l'occasion, je crois, de portes ouvertes récemment. La maison n'a pas l'allure sur ces photos et sur ces panneaux qu'elle a aujourd'hui. Voilà, donc quand je l'ai récupéré, je l'ai bien transformé. En fait, j'ai gardé les quatre murs, donc les deux murs et mitoyens plus les deux murs avant et arrière, et j'ai démonté tout ce qui était en son cœur, en gardant la toiture évidemment. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on avait des niveaux assez bas, on rentrait, on avait 2,20 m à l'entrée, et on avait un mur central. Donc j'ai purgé tout ça, et j'ai fait des demi-niveaux à chaque fois. C'est-à-dire que, bizarrement, j'ai fait perdre de la surface à ma maison, alors que d'autres gens essayent de rentabiliser au maximum la surface. Moi, j'ai préféré le bien-être et la lumière, comme vous pouvez en profiter, à la profusion d'espace. Et l'espace, en fait, je vais le gagner sur le terrain qui est à l'arrière, en conservant une partie du jardin. Donc le jardin qui a été beaucoup bétonné par mon grand-père, il va être renaturé. Débétonisé. Le hallier qui était fait avec des matériaux de l'époque qui contenaient de l'amiante, il a été déposé. Et on va repartir sur des matériaux naturels pour faire les deux chambres et la salle de bain qui sera reliée par une véranda et un accès vitré le long du voisin. Voilà. Laurent Marcignac, quand on voit votre maison, on se dit que c'est une maison normale de ville. En quoi, puisque vous êtes toujours en chantier, c'est d'ailleurs l'intérêt d'être venu vous voir ici à Pont-à-Mousson, en quoi cette maison est aujourd'hui écologique et responsable? Alors, une maison normale, je sais pas. Parle de l'extérieur, autant alors, à l'intérieur, évidemment, c'est un peu surprenant. L'extérieur, j'ai dû respecter, bien évidemment, c'est avec plaisir que j'ai respecté la règle du PLU et de l'ABF, parce que ça, c'est du vivre. Plan local d'urbanisme. C'est du vivre ensemble. Donc les gens qui grospètent après les PLU et l'ABF, ils ont bien tort, parce que c'est... Et ABF pour architecte du bâtiment de France. Pardon, c'est vrai. Et à l'intérieur, effectivement, c'est un peu explosé. Donc de l'extérieur, on a conservé les ouvertures, la forme des ouvertures, et on a fait des ouvertures plus contemporaines en utilisant un béton qui a été... un béton qui est banché et avec des planchettes en bois. C'est-à-dire que ça permet de garder... En fait, le béton va épouser les nervures du bois. Et quand on va retirer le bois, le béton va garder cet aspect. Il a un peu ciré également. Ce qui a été fait également dans la maison, donc je continue la construction de la maison, c'est que comme j'avais purgé l'ensemble de la maison, je retirais les poutres des murs, les murs sont en moellon de pierre, et comme les poutres étaient incrustées dedans, vous aviez une transmission du son qui se faisait d'une maison à l'autre. En plus de la mauvaise, une mise en œuvre traditionnelle, pas traditionnelle dans le bon sens du terme, mais rustique, de certaines poutres, c'est-à-dire que quand j'enlevais les poutres, j'étais chez le voisin. Elles reposaient, je pouvais serrer la main de mon voisin. Donc tout ça, ça a été comblé. J'ai tout scellé à la chaux, les murs ont été refaits et j'ai déporté la structure. J'ai fait une structure qui n'est plus insérée dans les murs, mais qui repose sur des hommes debout. Vous avez, comme vous pouvez le voir, vous avez 6 hommes debout sur la partie où nous nous trouvons, la partie séjour, et 6 hommes debout qui retiennent la partie avant. Donc ce sont des poteaux qui descendent et qui sont repris au sol. En fait, ils descendent les forces et au-dessus, sur lesquels on a reposé, on a mis les planchers. L'intérêt de cette maison, en plus donc, de s'isoler acoustiquement des voisins, c'est aussi de... La maison n'était pas totalement... Elle était très mal isolée, en fait, elle n'était pas du tout isolée. Et les vitres étaient des vitres en simple vitrage. Donc là, on a refait des ouvertures, donc à l'avant en conservant les proportions existantes et à l'arrière en ouvrant plein sud et en ouvrant plein sud et en ouvrant grandement la façade plein sud. Donc vous avez de la lumière qui rentre généreusement dans la maison et qui permet également de chauffer la maison. Pour conserver cette chaleur, on a au sol un effet de masse qui est fait par le béton, donc qui se charge en chaleur, qui le restitue dans la journée, donc c'est l'effet de masse. Même effet que pour le poêle, sauf que là c'est le soleil qui chauffe, et on a l'isolant qui va permettre de conserver cette chaleur. Il y a 40 cm d'isolant. Alors à l'époque j'avais utilisé de la laine de verre, aujourd'hui on sent que ça vous attriste. Hein. À l'époque j'avais utilisé la laine de verre, j'ai évolué, je pense que je ne referai plus ce système. Et vous avez à peu près 20 cm en isolation intérieure pour les murs qui donnent sur l'extérieur. Et vous avez 10 cm. Quelle est la surface, agence et partie habitation comprise, Laurent Marcignac, de l'ensemble de la maison ? De mémoire, je crois la maison fait une longueur de 10 mètres à peu près, sur 4,50 m à 4,20 m, parce que la maison n'est pas droite, normal. 4,20 m de large, ça vous fait aller du 40 mètres carrés au sol, multiplié par 2, parce que j'ai fait des deux niveaux, vous avez 80, si je compte bien, à peu près 80 mètres carrés. Et vous avez, pour choper tout ça, Laurent Marcignac, on peut dire un joli petit poêle de masse. Tout à fait. En bas, qui vous chauffe l'ensemble de la maison. Exactement. C'est avec ce système plus les apports de solaire naturel, j'arrive à chauffer la maison à 21 degrés en plein hiver avec 3 bûches. C'est-à-dire qu'une super isolation, un super poêle de masse. Donc c'est pas un poêle pelé, c'est bien un poêle à bois avec des vraies bûches, un bon bois bien sec. Et voilà comment je chauffe la maison. L'aspect qu'on évoquait tout à l'heure du prix, Laurent Marcignac, qui n'est pas là finalement aussi, en se disant évidemment le surcoût, entre guillemets, que je vais mettre dans une réflexion en faisant appel à un architecte comme vous, et au choix de matériaux qui sont peut-être un peu plus chers, et encore qu'on pourrait se dire aussi que finalement ce sont des matériaux dits conventionnels qui sont anormalement pas chers, c'est un peu comme si on comparait ça avec l'alimentation, où finalement on va se retrouver sur à la fois un confort intérieur et puis des prix et des coûts de chauffage notamment nettement moindres. Ben c'est tout à fait ça. L'argent que l'argent il ne part pas dans des solutions techniques. Et c'est vraiment là toute la philosophie qui va se battre, qui est en lutte au sein des architectes. Vous avez les architectes low tech, c'est-à-dire qu'ils utilisent des techniques douces. Et vous avez les architectes high-tech qui essayent de réintroduire beaucoup de... c'est qu'ils subissent un peu la loi des autres et qui introduisent beaucoup d'éléments techniques dans la construction. Le but du jeu, encore une fois, pour gagner la bataille du climat, c'est d'utiliser le moins d'énergie. La meilleure énergie, c'est celle qu'on consomme le moins. On consomme pas, quoi. Et qu'on ne payera pas. Alors, vous avez eu l'honnêteté de dire cette erreur avec l'utilisation de la laine de verre, Laurent Marcignac, une erreur que vous n'allez pas reproduire avec la construction d'extension prévue précisément. La prochaine extension sera faite en matériaux biosourcés. Alors, le bois que j'avais déjà employé ici, donc ça, c'est, on va dire, c'est du normal maintenant. L'utilisation du bois, ça va devenir... tout à fait logique maintenant dans les constructions à venir. L'isolant, et je vais bientôt faire une formation à Écureuil pour faire... Écureuil, pour l'avenir, en Meuse, que durablement on te connaît bien. Oui, pour apprendre à bien isoler les bâtiments écologiquement. Et j'ai déjà cette formation paille et je vais isoler tout le mur avant en paille. Voilà. Donc tous les bâtiments, tous les matériaux biosourcés et perspirants, parce que la perspirance est aussi très importante. Quels sont les freins aujourd'hui que vous rencontrez vis-à-vis de vos clients, Laurent Marcignac, à l'égard précisément, et est-ce que ces freins-là existent toujours par rapport, d'une part, à ces produits isolants biosourcés, à l'utilisation de la chaux, par exemple? Je crois que rien ne vous agace plus que de voir, par exemple, une façade de pierre traditionnelle couverte de ciment. Ah oui, bah c'est le cas. Quand vous êtes arrivé dans la rue, vous avez pu voir la magnifique maison là-haut qui était entièrement décrépite. Et c'est des façadistes qui ne connaissent pas le métier. La maison est entièrement décrépite, elle est en pierre. Et ils vont appliquer dessus un revêtement en ciment. Et en quoi ça pose un problème ? Eh bien, ça pose un problème, c'est que la chaux est faite pour adhérer à la pierre. Pourquoi ? Parce qu'elle permet la respiration de la pierre. La chaux étant de la pierre reconstituée, quelque part. Tout à fait. Et ça, c'est une donnée patrimoniale, et c'est la construction traditionnelle qu'on a oubliée et que des mauvaises entreprises mettent en œuvre. Donc, il y a vraiment l'expertise de la bonne entreprise qu'il faut mettre en avant. Pour autant, alors on ne connaît pas ce chantier, on va bien se garder de le juger. Pour autant, c'est peut-être une demande du propriétaire, que l'entreprise fait ce que demande le propriétaire. C'est une bonne question. C'est pour savoir le fait de ne pas avoir employé un architecte pose problème. Voilà. Et on est là sur une table particulière, Laurent Marcignac, qui me fait penser que, on a parlé de récupération des déchets, en voilà une belle, un bel exemple. Et en fait, la table sur laquelle vous êtes, c'est une table qui est faite avec les poutres que j'ai sorties des murs. Et les poutres, je les ai rassemblées en une table, et elle me sert de table de réunion, table de réception, voilà. Il y a eu plusieurs projets sur cette table, mais là on arrive au bout. J'avais des idées fantasques à un moment, mais voilà, je pouvais me... voilà, donc uniquement des poutres, et puis en fait que des matériaux de récupération. J'avais les tiges filetées que j'avais mis dans les murs, je les ai récupérées pour faire pour la table. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là, et la maison, les fleurs. j'aimais tant n'existe plus. Ils savaient rire, tous mes amis. Ils savaient si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. Que j'y laissais mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance. Mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire. Et il me semble que je m'entends leur dire: je reviendrai un jour, un beau matin, parmi vos rires. Cherchant en vain la maison que j'aimais. Où sont les pierres et où sont les roses? Toutes ces choses auxquelles je tenais. D'elle et de mes amis, plus une trace. D'autres gens, d'autres maisons ont volé leur place. Là où vivaient des arbres, maintenant la ville est là. Laurent Marcignac, vous êtes architecte, fondateur de l'agence L'Atelier 22, ici à Pont-à-Mousson. On vient de faire le tour de votre maison qui abrite à la fois l'agence et votre partie résidentielle. Tout ça de manière, en tout cas la construction écologique et responsable. Et c'est d'ailleurs ce qui vous a amené à être aujourd'hui le président de la délégation Lorraine, les architectes d'aujourd'hui. C'est ça. Donc je suis devenu récemment, début de l'année, président des architectes d'aujourd'hui. On a déposé les statuts, on a créé l'association indépendante, par rapport au national. Vous avez deux types d'associations. Vous avez l'association qui a deux niveaux. Une association nationale et une association Lorraine qui regroupe environ 30 membres, 30 architectes en Lorraine. Et avec un Alsacien. Comme quoi, on peut être alsacien et ne pas être plié sur soi. Laurent Marcignac, quel intérêt aujourd'hui cette association, les architectes d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un thème dominant à cette approche? Les architectes d'aujourd'hui, c'est de pouvoir reconquérir un marché qui a été oublié par les architectes, qui a été délaissé par les architectes. C'est le privé, la construction individuelle, la rénovation. Et qui a été délaissé au profit des constructeurs de maisons individuelles qui, en tirant les coûts, ne font pas forcément que de la bonne qualité. Donc nous, on essaye non seulement de respecter le budget du maître d'ouvrage, mais également de créer de la qualité. Et nous sommes les seuls à pouvoir faire, nous avons la compétence et la formation pour faire des espaces qui sont agréables. Le bien-être, c'est quand même une des premières... Une raison d'être de l'écologie. Ouais. D'autant que lorsque l'on ouvre cette plaquette, les architectes d'aujourd'hui, Laurent Marcignac, les quelques illustrations qui y figurent attestent de réalisations qui sont tout à fait exceptionnelles et très plaisantes à l'œil, très belles. Mmh. Est-ce que Est-ce que vous ne souffrez pas, est-ce que votre démarche ne souffre pas de deux images négatives? D'une part, l'idée qu'on pense que faire appel à un architecte, eh bien, ça coûte très cher. Et d'autre part, que la rénovation, eh bien, ça se limite à poser des panneaux d'isolation et que ça ne touche pas à la structure, en tout cas au volume intérieur. Alors, pour répondre à la question sur le fait que l'architecte soit considéré comme étant très cher, en fait, c'est une idée qui est divulguée par nos concurrents directs, c'est-à-dire que les constructeurs de maisons individuelles. Et la différence qu'on a avec eux, c'est que nous avons la transparence de nos coûts. C'est-à-dire que quand vous utilisez un architecte, vous savez combien il vous coûte. Le CMiste, constructeur de maisons individuelles, eh ben, vous avez le détail, mais vous n'avez pas les prix en face de chaque détail. Et à la fin, vous avez un chiffre de combien ça va vous coûter. Vous ne savez pas la marge qui va se faire. Nous, vous savez exactement combien coûte chaque porte qu'on va mettre en place et compagnie. Donc, on a ce rapport qui est de voir combien on coûte réellement à l'obscurantisme même du constructeur de maisons individuelles. Et quant à cette image que l'on a de la rénovation par rapport à, par exemple, ici chez vous, dans votre atelier, et qui vous sert aussi à l'étage de maisons et d'habitations, on est dans un espace et dans un volume, j'allais dire, totalement moderne. Tout à fait. C'est le but du jeu, c'est de pouvoir réintroduire de l'architecture dans des espaces qui étaient en fait, où il manquait de l'architecture, qui était purement fonctionnelle et résidentielle. Maintenant, on est résidentiel, mais on apporte du bien-être, on apporte de la lumière, on apporte de l'architecture, en fait. Mmh. L'architecture, elle est là. Quel intérêt, Laurent Marcignac, d'avoir créé cette association, en tout cas cette délégation ici en Lorraine, les architectes d'aujourd'hui? Donc, les architectes d'aujourd'hui, l'avantage, c'est cette qualité, et c'est de toujours, et c'est un principe de l'architecture, c'est toujours d'aller chercher le meilleur et de se former en permanence. Et pour se former en permanence, on a le fait de pouvoir discuter avec plein d'autres acteurs, et nous avons adhéré à cette occasion à Envirobat Grand Est, qui est une association qui rayonne sur l'ensemble du Grand Est, qui est l'ancienne LQE. LQE, c'est Lorraine Qualité Environnementale, et qui permet de mettre en relation des acteurs publics et privés pour tirer la construction vers le bien-être écologique. Voilà. En vous écoutant, Laurent Marcignac, je me dis que il y a, vous avez de forts potentiels de développement, parce que aujourd'hui l'architecture écologique est responsable, souvent encore de beaux jours devant elle, quand on voit précisément encore aujourd'hui des constructions, notamment dans les lotissements en agglo, qui sont de véritables passoires énergétiques d'une part, et puis votre point de vue sur ce que j'appelle moi les constructions boîtes à chaussures, qui ressemblent précisément à des boîtes à chaussures et qui ont peut-être tendance, voire même certainement, à défigurer les centres-villes ou les centres-bourgs historiques. Alors, c'est une bonne question. La relation avec en fait, la question sur la boîte à chaussures est intéressante parce qu'elle renvoie vraiment le fondement de l'architecture qui repose souvent sur des proportions. Si vous faites une boîte à chaussures telle que vous l'appelez, moi j'appellerais ça une maison à toit plat, si elle n'est pas agréable à l'œil, c'est qu'il y a un problème de proportion. Et souvent, ce sont alors c'est toujours pour taper sur les mêmes, mais je suis désolé, c'est une réalité. C'est les constructions vite faites, mal pensées de gens qui ne sont pas forcément là pour faire de la qualité, qui s'opposent aux constructions d'architectes à toit plat qui sont plutôt bien réalisées. Comme vous pouvez voir sur le plaquette, il y a certains toits plats qui marchent très bien. Et ça, c'est parce que les architectes ont su mettre en œuvre et ont appris à utiliser ces proportions. Et ça peut très bien, ça met en œuvre aussi bien sur la construction de nouvelles que sur des extensions. L'autre point que je soulèverais, c'est la question d'urbanisme. Vous avez parlé de défiguration des centres-bourgs, pas des centres-bourgs, des villages. Et effectivement, c'est une question fondamentale parce que l'urbanisme, c'est un point de levier sur deux acteurs au niveau écologique. Alors, je ne parlerai pas uniquement au niveau patrimonial. On pourrait développer, on pourrait passer des heures en parlant d'urbanisme, mais restons sur l'écologique. Il y a deux leviers importants à faire avec l'urbanisme, c'est-à-dire qu'on réduit, avec un bon urbanisme bien pensé, on peut réduire à la fois les coûts de dépenses dans les transports, C'est-à-dire que un urbanisme bien pensé, ça vous évite de faire trop de transport, d'utiliser trop la voiture, et surtout un coût réduit au niveau de la construction. Et ces deux leviers-là sont les plus dépenseurs, les plus émetteurs, donc la construction et le transport, dans notre bilan carbone final. Ça veut dire, Laurent Marcinac, si je vous comprends bien et si je vous écoute entre les lignes, qu'on a aujourd'hui un défaut de réflexion dans la rénovation urbaine des logements, notamment peut-être auprès des élus qui n'ont pas cette sensibilité, cette connaissance, peut-être cette formation. À mon sens, oui. C'est pas la faute de Rabaché. Hein. Moi, je sais que depuis, donc ça fait longtemps que je suis plus à l'école, mais déjà plus de 20 ans, on avait déjà ce discours-là. Le discours des architectes était précurseur. Je me souviens d'un de mes professeurs qui est aujourd'hui directeur du CAUE de 54. CAUE pour Centre Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement. Ouais. C'est un service à la disposition et des collectivités et des particuliers en matière d'architecture, je vous rends la parole. Et donc, le discours qu'il avait était déjà très orienté sur la bonne utilisation de l'urbanisme. D'ailleurs, à ce titre, il a lancé une série de conférences et de réflexions en partenariat avec le Conseil général de Meurthe-et-Moselle. Maintenant, Conseil départemental. Le Conseil départemental, oui, je suis un peu... Je suis obsolète maintenant. Sur la réflexion sur les villages et les bourgs, oui. Il faut inculquer ça aux élus. Les élus changent régulièrement et d'un élu à l'autre, ils n'ont pas forcément la même continuité. Donc il faut à chaque fois, c'est le mythe de Sisyphe, hein, il faut remettre sur la table la formation des élus. Durablement vôtre, Eric Mutchler. Stary dom nad brzegiem rzeki stał. Wspomnienie dawnych dni w mym sercu wciąż się tli. W ogrodzie róż, w ogrodzie pełen mak. Szczęśliwy tak miałem dzieciństwa świat. Mój stary dom wielome ściany miał. Przy domu brzozy cień pamiętam jak przez mgłę. Kaflowy piec, z kominka buchał żar. Pozostał tam dzieciństwa czar. Rodzinny dom, dziś widzę tylko w snach. Dzikie go widać, aż po sam dach. Mój stary dom, po nocach mi się śni. Nie wrócą nigdy już beztroskie dni. Rodzinny dom, dziś widzę tylko w snach. Dzikiego wina liść, aż po sam dach. Mój stary dom, po nocach mi się śni. Nie wrócą nigdy już beztroskie dni. Korny los powiedział graj, więc gram. Z gitarą za pan brak, szukam lepszych dni. Czas przyszedł na budowę własnych ścian. Nie można wciąż wspomnieniem żyć. Rodzinny dom dziś widzę tylko w snach. Dzikiego wina liść, aż po sam dach. Stary dom, po nocach mi się śni. Nie wrócą nigdy już beztroskie dni. Rodzinny dom, dziś widzę tylko w snach. Dzikiego wina liść, aż po sam dach. Mój stary dom, po nocach mi się śni. Nie wrócą nigdy już beztroskie dni. Thank you. Laurent Marcignac, vous êtes aujourd'hui architecte, on disait dans le temps DPLG, mais je crois que la dénomination a changé. Vous êtes installé à Pont-à-Mousson. Pour autant, en tant qu'architecte, vous avez un parcours atypique. Oui. Alors, on dit aujourd'hui maintenant architecte HMONP, habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre. Ce qui change tout, bien sûr. Pardon ? Ce qui change tout. Ce qui change beaucoup de choses, en fait. Parce qu'on a, on s'est mis au diapason de l'Europe. Voilà, c'est une des raisons pour laquelle ça a changé. Alors oui, j'ai un parcours atypique parce qu'au début, j'ai fait des études d'histoire et d'archéologie et j'ai terminé avec une maîtrise qui concernait l'étude de maisons dans le bourg castral de Châtillon-sur-Saône au fin fond des Vosges, la confluence de quelques départements sur le long de la Saône, parce que la Saône, comme c'est bien connu, naît dans les Vosges. Absolument. Et alors, pourquoi ne l'avoir pas continué dans cette voie? Et pourquoi cet intérêt pour ce sujet-là? Donc, j'ai terminé donc ma maîtrise et arrivé à la fin de ma maîtrise, je me suis enfin posé la question, c'est ironique, de savoir ce que j'allais faire de ma vie. Et deux portes s'ouvraient devant moi, soit c'était l'enseignement, donc il fallait passer le CAPES à l'époque, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, et pour devenir rentrer dans l'enseignement, ou faire de la recherche. Et j'avais un ami, Guillaume, de son prénom, qui faisait au laboratoire d'archéologie médiévale de l'Est de la France, il faisait une thèse sur les tessons, il dessinait des tessons toute la journée. Et son exemple m'a conduit à ne pas faire de la recherche finalement. Et lui aussi, après avoir rendu sa thèse, maintenant il montre des spectacles historiques qui sont parfois très intéressants. Pourquoi ça mène à tout? Pour continuer, donc après, j'ai fait la troisième voie, j'ai fait la voie du milieu, j'ai fait un an d'architecture, puisque j'avais commencé à appréhender le problème architectural à travers la maîtrise, et au final, j'ai eu mon diplôme au bout de quelques années, après avoir travaillé en agence, dans plusieurs agences. Et est-ce qu'aujourd'hui, Laurent Marcignac, vous croisez ces deux formations, à la fois en archéologie, en histoire médiévale, avec votre travail actuel d'architecte? Alors, dès que je peux le faire, et c'est notamment c'est une des raisons pour lesquelles j'essaie de réserver mon travail pour la rénovation, c'est de croiser, effectivement, de faire des recherches historiques. Parce que ça explique beaucoup de choses sur le bâtiment. C'est fondamental quand on réinvestit un nouveau bâtiment. Par exemple, pour ma maison, j'ai été rechercher les anciens plans de Pont-à-Mousson, les anciens plans de la maison, pour savoir quelle était la démarche et pourquoi le découpage parcellaire était celui-ci. Où passaient les remparts? Bon, les remparts passent un peu plus loin, mais toute cette réflexion sur l'urbanisme et sur l'évolution de l'urbanisme donne du sens à la maison. Et finalement, Laurent Marcignac, est-ce que les architectes ne devraient pas tous être quelque part un peu ou moins historiens? Mon point de vue, mais évidemment, évidemment qu'ils devraient tous être historiens. Mais j'ai l'avantage aussi, j'ai eu la chance de pouvoir faire des stages dans des bonnes entreprises, notamment chez Jacques Fabry, qui était architecte du patrimoine, qui avait ce principe de travail. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Laurent Marcignac, architecte installé à Pont-à-Mousson, fondateur de l'agence L'Atelier 22, plutôt coup de cœur, plutôt coup de gueule? Les deux, mon général, j'ai envie de dire. J'ai pris du galon, là. le coup de cœur, il va vers les gens qui ont décidé de se battre pour le climat, quoi, d'aller vers de la qualité, vers de l'architecture. Là, mes consoeurs et confrères des architectes d'aujourd'hui, j'ai un fort coup de cœur pour eux. Le coup de gueule... Pardonnez-moi, Laurent Marcignac, est-ce que c'est un fait générationnel? Par exemple, vous évoquez vos confrères et consoeurs qui sont membres de l'association des architectes d'aujourd'hui, que vous présidez, en tout cas pour la délégation Lorraine. Je vais poser la question un peu brutalement, ce sont de jeunes architectes? Il y a des jeunes architectes, mais aussi des architectes plus confirmés. Vous avez le Tram Architecture qui fait partie de cette association. C'est des gens qui ont déjà, en fait, qui ont des convictions. C'est pas uniquement une question d'âge. Maintenant, il y a plus d'architectes jeunes qui arrivent à avoir ces convictions parce qu'on est plus d'architectes jeunes sensibilisés à ces problématiques sur la maison individuelle, sur le marché privé et compagnie. Voilà. Donc, il y a effectivement beaucoup de jeunes, mais il y a aussi des jeunes dans leur tête. Et est-ce que aujourd'hui, les architectes comme vous, vous parlez de conviction, Laurent Marcignac, vous rencontrez suffisamment de demandes aussi, convaincus comme vous? Est-ce que vous êtes des architectes, bien sûr passionnés, ça on peut l'imaginer, mais on dit parfois que on a tort d'être un peu trop en avance sur les questions d'écologie, responsabilité. Est-ce que la demande aujourd'hui est suffisante et la clientèle vous suit dans cette démarche? Alors, le fait d'être en avance, maintenant, on n'a plus le choix. Donc, on est obligé de le faire. Donc, ce n'est pas d'être en avance, c'est d'être dans le bon tempo. Donc, si vous ne construisez pas écologiquement et durablement, c'est le mauvais tempo. Donc, nous, ce qu'on essaie... Alors, je vais plutôt parler de mon cas. Là, sur la semaine qui vient de passer, j'ai eu plusieurs rendez-vous. Et à chaque fois, j'essaye d'expliquer aux gens l'intérêt de construire en paille. Parce que j'essaye absolument de trouver des gens qui construisent en paille. J'arrive à les motiver. Sur les trois prospects que j'ai vus cette semaine... ils étaient tous convaincus. Maintenant, il va falloir les convaincre dans la réalisation. Il va falloir trouver la bonne entreprise pour faire diminuer les coûts. Enfin bref, il va falloir tout ça et expliquer concrètement. Mais sur le fait de construire en paille, il y a déjà une lame de fond qui est passée et qui aura expliqué. Et moi, j'ai presque plus qu'à accueillir, quoi. Parce que la paille est déjà rentrée dans les esprits. Alors peut-être aussi un aspect qu'on n'évoque pas suffisamment, c'est que construire une maison, alors on sait bien que les Chinois, par exemple, notamment, ont construit des maisons avec des imprimantes 3D géantes dans la journée. Là, on n'est pas du tout dans la même logique. Construire une maison, c'est aussi avoir une démarche patrimoniale dans l'intention peut-être de transmettre. Là aussi, c'est important de pouvoir transmettre un patrimoine qui soit en état et qui ne soit pas fissuré de partout et une passoire thermique. Mais c'est de la consommation. C'est construire écologiquement, c'est une remise en cause de le système de consommation qu'on a subi après la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas avoir des maisons qui soient comme des Kleenex que vous construisez un peu n'importe comment et que vous soyez prêt à jeter n'importe comment. De maisons jetables. Voilà. Maintenant, il faut revenir sur les bonnes bases d'avoir des maisons durables et qui s'inscrivent dans le temps, qui se passent de génération en génération. La maison parpaing, mal isolée, mal compagnie, où vous voulez faire la culbute en la revendant, ça va être compliqué maintenant. Il faut construire intelligemment si vous voulez revendre au meilleur prix. Parce qu'il y a aussi, il y a toujours cette idée non seulement de transmission, mais également d'investissement dans une maison. C'était votre coup de cœur, Laurent Marcignac, en même temps, transition vers un coup de gueule. Oui, j'ai un peu dévié sur le fait que ça soit jetable, sur le fait qu'on a un mode de fonctionnement qui est devenu, toutes les études le prouvent, on est devenu totalement irrationnel au niveau de la consommation. On est en surconsommation permanence. Et même dans le temps qu'on utilise, c'est incroyable. Je pense aux gens qui font du sport à côté. Donc ils pourraient utiliser... les gens ont besoin de faire des dépenses physiques. Et au lieu de faire des dépenses physiques intelligentes en allant par exemple, intelligente, c'est un peu fort, c'est peut-être pas bien adapté, mais des dépenses rationnelles en circulant par exemple en vélo, vous circulez en vélo, vous faites de l'exercice physique, ça vous évite le cours de Zumba du soir, voilà. C'est un scandale. On comprend bien la logique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Laurent Marcignac, finalement, dans... Est-ce que l'architecture ne traduit pas aussi une évolution dans notre mode de vie? Ça paraît évident. Mais je pense par exemple au fait que tu es dans ma maison, moi personnellement, là où nous sommes aujourd'hui en couple de personnes dans cette maison, il y a encore quelques années, trois générations dans la même maison aujourd'hui, développement des familles monoparentales, voilà. Chacun a sa maison, chacun a son logement, chacun a sa voiture, etc. etc. Exactement. Il y a une réflexion de fond à avoir, c'est pourquoi aujourd'hui les enfants ne peuvent pas vivre avec les parents? Pourquoi aujourd'hui la société, il y a aussi ce regard de la société sur les gens qui vivent toujours sans leurs parents? Alors que les Allemands ils sont pas toujours exemplaires, mais sur ce coup-ci, je me souviens avoir vu des maisons, vous savez, en bas vivent les grands-parents, les parents, et en haut vivent et c'est des maisons partagées. Et l'habitat partagé, l'habitat va résoudre, à mon sens, de plus en plus de problèmes, puisque on a un phénomène de vieillissement en plus, et de laisser les gens dans leur maison, vivre tranquillement au lieu de les envoyer en EHPAD dégueulasse, eh ben, ça va être une des choses aussi. Donc réapprendre à vivre ensemble, ça va être essentiel. Est-ce que ce discours-là, aujourd'hui, Laurent Marcignac, est entendu, écouté par la société quand il émane justement d'architectes? Ben, je vais faire mon calimero, je vais dire on n'écoute jamais assez les architectes, mais ça dépend qui l'entend. Les gens qu'on rencontre, forcément, l'entendent. Quand on a vu, par exemple, au Salon du Développement Durable à Pulnois, on a eu une personne qui est venue nous voir et qui disait « je veux faire de l'habitat participatif partagé ». Ben, participatif, c'est pas le bon terme. Partagé. Je cherche des gens qui veulent habiter avec moi pour qu'on achète un terrain et qu'on vive ensemble. Donc ça arrive en Lorraine. Merci Laurent Marcignac. Merci beaucoup à vous. Voilà pour ce reportage avec et chez Laurent Marcignac, architecte écologique et responsable, fondateur de l'agence d'architecture Atelier 22 à Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle, par ailleurs président de l'association des architectes d'aujourd'hui Lorraine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lesarchitectesdaujourd'hui.archi. Vous avez pu écouter dans l'ordre San Francisco par Maxime Le Forestier, paru sur l'album Mon Frère, sorti en 1972. La maison où j'ai grandi par Françoise Hardy, paru sur l'album éponyme, sorti en 1966. Et enfin, Rotines Dom, la maison familiale en français par le groupe Accent, paru sur l'album Moyak Zjazda, mon étoile, sorti en 2001. Et pardon à toutes les Polonaises et tous les Polonais pour mon accent, justement. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.